Lolly. Oh, ça petit fun, Lola. Isoli, et que la beauté, il m'a pile, y en a elle est facilité. Comme si si ou à table, il faut moi tu ou y a fun, non, les voir. Ça petit fun, Isoli. Oh, ça petit fun, Isoli, même. Zoli, zoli, zoli, zoli, zoli, zoli. Oh, sa petite femme, Ilola. Isoli, et que la beauté, qui m'a killé. Y'en a, no, elle est facilité. Comme si, si, what up, li fort. Moi, j'y ou y'a fun, non, les voir. La façon qui danse, qui dans mon frisson. Mon oasis, l'envie pour les danses dans mon les bois. Sa petite femme, Isoli. Sa petite femme, Isoli, même. Isoli, Isoli, Isoli, Isoli, Isoli, Isoli, Isoli. Oh, sa petite femme, Ilola. Isoli, et que la beauté. Immaculé, you know, elle est facilité. Comme si, si, what up, les femmes, moi, tu oui, pour fond, dans les voir. Sa petite femme, Isoli. Oh, sa petite femme, Isoli, même. Isoli, Isoli, Isoli, Isoli, Isoli, Isoli, Isoli. Oh, sa petite femme. Isoli, et que la beauté immaculée, y'en a elle est facilité. Comme si si ou à table, il faut m'en dire où y'a fond, là où les voir. Comme si si ou à table, il faut moi dire où il y a fond, là où les voir.